Est-ce qu'on peut se faire un clap ensemble? Parce que enfin, je me dis, tu vois, zéro, ça se trouve, il y a 0,00 secondes de décalage. Enfin, 0,0 secondes, ça fait zéro en fait. Ok, clap! Clap! Clap! Je synchronise, ok? C'est un truc de réalisateur, ça. Ça aussi, tu devrais l'apprendre, Tristan. Si tu veux être réalisateur dans la vie, suis mes conseils. Suis mes conseils, Tristan. Tristan. Clap. Synchronisé. Clap. C'est la classe, non? Tu dis ça parce que tu sais pas le faire. Clap. Synchronisé. Tu t'y attendais pas, hein? Tu t'y hein? Hein? Alors, tu t'y attendais pas, hein? Ah ouais, ok. Bah c'est parce que je dois pas être ton ami alors. Ouais, cool. J'attendais, ouais. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, salut. C'était un peu. Tu m'as introduit vraiment d'une manière un peu excessive, je trouve. Hein. Ok. Ouais. Tout ce que tu n'es pas, parce que tu fais 1 m 70, même pas. Et tu es blanc, blanc. Tu ne bronzes pas du tout. Jamais. Ouais. Et tu ne peux même pas bronzer en plus. C'est vraiment. Donc, ouais, non, ouais, non, non, personne n'a dit ça, vraiment. Non, mais je repérais les dissonances, c'est tout. Et donc, du coup, je suis. Ah oui, donc oui, non, mais tu as donc du coup, oui, tu fais 1 m 90 et tu es noir, du coup. Ouais. Et tu as oui, et tu as 3 bits aussi. Ouais. Ça c'est. Et tu ouais. Bon, je sais pas. Peut-être que c'était la meilleure hein, même. Bon, après, voilà. Et donc, je suis avec Tristan. Ça va, Tristan? Ouais. Ouais. Ardu. Oula. Ça sent les mots un peu bizarres qu'on va devoir chercher sur Internet. Ok, bon ben. Écoute, Tristan, je suis toujours prêt quand tu es à mes côtés. Ah ouais. Ok, je vois pourquoi il parlait de choses plus compliquées. C'est vrai que là, ça va tout de suite moins ensemble. Escroquerie du désir. Merci. on peut pas escroquer sur des choses non. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que là, enfin moi, tout de suite, escroquerie du désir, l'imagerie que ça m'évoque, c'est des maisons de, comment on dit, des maisons de prostitution. Ça, c'est à peu près tout, mais ouais. Ouais. Ouais, mais j'ai pas vu. Mais après, en termes d'escroquerie, un braquage ou quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait très film noir. Comme Je rigole, mais en fait, c'est parce que j'ai rien. De ouf. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai qu'il y a pas de. Pour l'instant, j'ai pas de choses qui me viennent à l'esprit. Ouais. Bah là, pour l'instant, c'est le premier qui viendrait en termes si on est sur une maison close. Et. Qu'on pourrait voler. Dans une maison close ou en dehors? Il y a l'amour des parents, genre tu fais semblant d'aimer ton fils, et à la fin tu lui dis, bah, enfin la fin. C'est quand la fin? Mais. Ouais, mais enfin, moi je trouve ça toujours bien d'avoir une partie autobiographique dans la fiction. Voilà, mais après, bon. Non, mais t'as raison, on n'est pas obligé. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est pour ça que j'imaginais quelque chose de plus en relation avec un père ou une mère. Parce que du coup, c'est sans doute moins fait. de ce que j'en sais en tout cas. Et c'est plus intéressant parce que tu peux feindre d'être le fils. Enfin, le comment dire? Le remplaçant d'un fils qu'une personne aurait pu perdre ou de faire semblant d'être son ami ou même de l'épouser pour l'argent, alors que quelqu'un qui fait semblant de devenir comme ton père ou comme ta mère, c'est plus difficile quand même, parce qu'il faut que l'autre accepte. Et ça peut pas passer par des avances physiques, genre je te montre mes boobs, est-ce que tu veux que je sois ta mère? Ça, c'est... Ouais, oui, c'est quel est le genre de fils quel genre de fils tu fais ces avances, quoi. Ouais. Persona, c'est de qui? Ah, d'accord. Dedans. Ouais. Ouais, mais bon. Ça fait très Black Mirror, tu vois, dans l'esprit. Après, moi, enfin, même si j'aime bien cette idée de escroquer. Ah, le retour de l'église. Même si j'aime bien j'aime bien ce côté Black Mirror, mais j'ai pas. Enfin, moi, ça me ferait pas kiffer qu'on aille dans le Black Mirror. Total, tu vois. Je préfère, si on est dans une escroquerie du désir et que vraiment c'est des gens qui arrivent à extirper des émotions comme on pourrait extirper une énergie ou du sang de quelqu'un, qu'on aille plus dans un. Enfin, en tout cas, moi ça me ferait plus kiffer qu'on aille dans un truc plus du côté surnaturel et fantastique qui a été en plus moins exploité finalement jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, ces dernières années plutôt. Ouais, de ouf. Moi, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, c'est qu'est-ce c'est pas la question, c'est pas plutôt qu'est-ce qu'on veut escroquer plutôt que pour. Enfin, attends. Ouais, je viens de m'en rendre compte. La question, c'était plutôt. La question, c'est pas plutôt pourquoi on veut escroquer. Qu'est-ce qu'on veut escroquer? Attends, parce que est-ce que tu peux relire la définition? Ok. Donc ouais, en effet, il y a une question d'obtention, comme tu disais. Moi, ça me fait penser à The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais, où il y a ce truc où ils effacent du coup les souvenirs. Donc peut-être que c'est des gars qui escroquent les souvenirs. Tu vois, leur but, c'est d'obtenir certains souvenirs pour avoir des informations. Et du coup, ils sont obligés d'escroquer des gens pour obtenir ces souvenirs. Ouais. Ah, ouais. Moi, perso, je suis un peu perdu sur cette notion de désir, par contre. Quelle était la notion de désir qu'on avait avant, avant l'idée que j'ai proposée du coup? Enfin, est-ce qu'on en avait une, je veux dire? Ouais. Ouais. C'est inadmissible. Virer un chat, c'est... Mon Dieu. Il est en train de le torturer. Ah. Salaud. Putain, il est parti avec. Il est en train de violer le chat. C'est tout à fait le genre de Tristan, sachez-le. Voilà, il a dit, tu fermes ta gueule. Il aime dominer son chat, sexuellement. Il aime l'enchaîner. Et ensuite, bon, je vous raconte pas tout. Oula. Ça veut dire que le chat, il a essayé de se débattre. Hein. Très risqué, hein, de parler de ça en sa présence. Re, t'inquiète pas. Ouais. Ah, ok. Ok. Ah, c'est une bonne idée ça. Mais alors, qu'est-ce qui ferait, enfin, qu'est-ce qui motiverait cet homme à vouloir retomber amoureux de sa femme? Tu vois, est-ce qu'on est, c'est plus une pression sociale où il veut pas, enfin, où il doit faire bonne figure, ou c'est une pression sociale, il veut pas détruire toute la vie qu'il a construite avec elle, en sachant que il peut revenir à la normale s'il arrive à faire ça? Ou est-ce que c'est encore une autre motivation? Ouais. Et tu penses que ça serait une motivation assez forte pour qu'il s'emballe? Parce que si c'est une escroquerie, normalement, tu vois, une escroquerie, c'est pas rien, quoi. Enfin, il y a forcément un moment où ça dérape. Et faut que notre personnage ait une motivation assez forte, ou en tout cas qu'il y ait des enjeux qui fassent que quand il va commencer à faire ça, à s'emballer là-dedans, il va pas pouvoir faire demi-tour. Bah, ouais. Mais après, il peut, enfin, je pense que en tout cas, en tout cas, je pense que la notion de nostalgie, je vais refaire. En tout cas, la notion de nostalgie, je pense qu'elle peut toujours être là. Mais qu'elle, voilà, c'est ça. Mais après, moi, j'aime bien l'idée de la pression sociale. Peut-être qu'en fait, ça peut juste être la nostalgie. Mais il y a une pression sociale autour de lui où tous les membres de sa famille, tout le monde, vraiment, genre tout le monde, tout le temps lui rabâche. Ah, t'as vraiment une femme parfaite. Ah, quelle chance il a, ce bon vieux Bernard là, d'avoir cette femme, hein. Ah, tout le monde tuerait pour avoir une femme comme ça. Et tu vois, oui, ah bah lui, Ah bah oui, ah bah il allait à la salle de sport et pap pap pap, ça y allait hein, Bernard. Ah ouais, oh oui, bah, ah bah de toute façon, et les femmes, hein, c'est tout ce qui les intéresse en plus, non? Ouais. C'est quoi la monie? Ah ouais, de ouf, désolé, je parle pas trop anglais, c'est pour ça. en tout cas, je sais pas si ça te plaît, cette idée de. Il y a vraiment tout le monde qui rabâche tout le temps, il y a un espèce de truc. Tu vois, qui raconterait un peu que par ce qui raconte ce truc de des fois t'es avec quelqu'un, tu l'aimes plus, mais tu sais, il y a tout le monde qui dit: ah, mais vous allez tellement bien ensemble, c'est oh, vous êtes cou le couple parfait, vous êtes notre modèle. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais mais je suis sûr que ça arrive à des gens à qui ça parlerait en tout cas, enfin, de cette histoire-là. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Yes, on travaille tout le temps ensemble, mais ah, voilà. C'est chaud. C'est trop beau. Waouh. Ouais, d'amitié du coup, mais je parlais, tu vois, un truc plus. Tu vois. Plus, enfin, où il y a du sexe, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et il n'y en a pas dans notre amitié. Oui, bah oui, non, mais je dis pas que tu disais que, voilà, je voulais juste non. Non. Et toi? Non? Ok, bah cool. Cool. Ouais. On est pas. Y a personne de déçu du coup. C'est bien. C'est. Ouais. Alors, enfin, en tout cas, la pression sociale, ça te. Ok, pas de soucis, même si je ne suis pas totalement d'accord, mais je comprends. Donc on peut essayer de trouver autre chose. Alors, j'ai en tête un pari, mais alors je ne vois pas quel genre de pari pourrait le mener à ça. Je peux. Alors là. Ouais, c'est un beau concept. Bah alors là, alors moi, des relations à long terme, j'en ai par-dessus la tête. Hein. Enfin, pas parce que j'en ai marre, je veux dire, j'en ai plein. Voilà, j'en ai eu plein. Donc peut-être tu parles de toi, mais alors moi. Alors, c'est pas des jeux de romance japonais, mais sud-coréen, déjà. Donc. Ouais, bah toi, tu es raciste. Ouais, ok. Bah voilà, bah, vu que t'es raciste, c'est moi qui ai raison. C'est mathématique. Ouais, mais en tout cas, ça nous aide pas trop, hein. Pas du tout, du tout, hein. Motivation en jeu. Ouais. Ouais, Bernard. Est-ce qu'on part sur quelque chose de plutôt fantastique ou du coup, enfin ouais, on avait dit qu'on partait sur quelque chose de plutôt fantastique. Non? C'est vrai que, enfin, en termes de science-fiction, je trouverais ça dommage parce que je pense que c'est un traitement qui a déjà dû être fait, qui a déjà dû être fait. Et comme tu disais avec la pression sociale, j'aurais l'impression de, pareil, de raconter un truc qui a déjà été fait il y a 5-6 ans. Mais après, peut-être ça se trouve, on peut trouver un truc. N'empêche, je trouve que c'est un bon pitch de comédie, en vrai. Tu vois, plutôt que ce soit un truc hyper dark, un drame, on est plus sur un. Ouais, je vois. C'est-à-dire il va rentrer dans ses... il va enfin dans la question ouais mais à quel point c'est-à-dire en prenant sa place ou juste enfin je veux dire en ressentant ce qu'il ressent ou juste en observant de loin ouais bien sûr. Ah bon, tu trouves? Non, mais si tu partages tes émotions, c'est bien. Heureusement, nous serions dans une relation particulièrement toxique sinon. Ce qui n'est pas le cas, nous sommes dans une relation si pure. Une bromance tellement. Oui, exactement. Moi, je l'imagine bien, du coup, former une équipe. Mais du coup, en restant dans cet aspect comédie, où ils forment une équipe avec des gens, mais qui, du coup, sont pas très bons, enfin, sont pas forcément les meilleurs dans le domaine qu'il aimerait, et ce qui va faire que leur escroquerie va quand même être difficile à monter, tu vois. Ah non, du coup, ça serait les BMKC ou les BKC. Tu vois, genre Bernard. Waouh! Putain, t'es super smart comme gars. Ah ouais, mais waouh, tu devrais lancer une start-up. Ça te. Ah ouais, ah bah là, ça fuse, hein. Ça fuse de ouf. Mais la prochaine fois, oui. Ouais, bah c'est un jour sarcastique, peut-être. C'est ça. Et peut-être que c'est parce que c'est pour compenser, parce qu'on s'est dit qu'on s'aimait, donc tu vois, genre ça, faut. Ah, de l'amour, ah, non! Ouais. Mais c'est vrai. Alors après, j'avoue que pour moi, dans mon esprit, on est sur quelque chose d'un traitement beaucoup plus comique, même si je suis d'accord que au niveau du concept, c'est trop ressemblant. D'accord. Je crois que tu m'en avais déjà parlé. Attends, quoi? C'est qui a donc du coup la femme va tomber amoureuse de l'homme avec qui son mari enfin wow. Donc famille A et famille B. Femme de famille A ouais, enfin vas-y, recommence. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Ok, c'est clair. Bah, en fait, c'est avec dès que tu mets des A et des B, ça, tout de suite on visionne. Parce que du coup, enfin, on comprend tout de suite. Ok. Et... Non, vas-y. Non, justement, j'allais te demander du coup, quel était à quoi ça te faisait penser, enfin, par rapport à notre histoire. Ok. Ouais, j'imaginais, vas-y, excuse-moi. Je les imagine vraiment devenir meilleurs amis au bout d'un moment presque. Où il y a des j'imaginais justement une scène où il y a un dîner où, genre, ils invitent. Enfin, la femme a dit: Ah, ce serait bien qu'on invite l'autre famille. Et enfin, la famille dont il y a le. Faudrait leur donner un nom parce que là. La famille. Antipode, voilà, c'est un nom ultra bizarre. Ouais. Donc du coup, on va. Ça te dirait pas, Bernard, qu'on invite la famille Antipode? Et donc du coup, bon bah il accepte, hein, parce qu'il peut pas dire non, car tu me trompes avec lui. Et j'imagine ce repas de famille où du coup, en fait, vu que c'est un stade très avancé, du coup il se rend compte qu'il est hyper pote avec ce mec qu'il a appris à connaître sans que lui ne le connaisse, et d'un coup enfin ouais, ils disent des répliques, c'est un peu le cliché de ils disent la même réplique de film en même temps, des trucs comme ça. C'est ça. Enfin, on pourrait jouer sur, ouais, il y aurait plein de trucs à jouer là-dessus en tout cas. Ouais. Ah, là, c'est pas mal. C'est très intéressant, ça. Enfin, voilà, moi, après, je dis ça, faites comme vous voulez, hein. Ouais. Oui, bien sûr. Je te charriais. Mais c'est bien, Tristan, tu es quelqu'un de très tolérant. Enfin, sauf sur les Noirs et les Arabes. Ça, c'est vraiment. Ouais, mais enfin. Enfin, je peux pas. Ouais. C'est vrai que c'est. C'est vrai que. Un petit peu tôt. Bah, je veux dire, si un jour on a du succès, ça sera même un petit peu. Enfin. Tu vois, je veux dire, vaut mieux faire ses vannes quand il n'y a personne qui écoute. Enfin, surtout qu'elles sont. Enfin, c'est compliqué comme débat au milieu d'un brainstorming, non? Putain, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais plus. Ah, si, c'était sur le désir, pour rebondir sur le désir. Oui, j'imaginais notamment une scène où il tombe sur sa femme et son amant en train de fricoter ensemble, mais sans que eux ne le voient. Et tu vois, d'avoir cette scène où, au lieu qu'il décide de rentrer dans la chambre et faire « Mais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Tu me trompes !» Tu vois? Et qu'il y a un truc de... Qui est plutôt un truc de... Il reste impassible face à ça et il se dit... Tu vois, comme si, en voyant ça, cet événement arriver, il se rappelait d'un truc de... Putain, c'est vrai que j'ai pas vécu ça avec elle depuis tellement longtemps. Depuis 5-6 ans, j'ai pas vécu ce genre de moment. Et en fait, j'aimerais bien revivre ça. Et du coup, au lieu de foncer comme un bourricot, ben, il décide de laisser sa femme vivre ça parce que justement, comme tu dis, il l'aime, mais il lui manque le désir sexuel. Yep. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas. Là, je pense qu'on part sur une autre histoire à ce moment-là. Tu vois, ça... Ouais, mais c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre, non? Tu trouves pas? Bah, il va créer le dé... Enfin, je sais que c'est tout le comique, mais... En fait, c'est ça. Je crois que ce qui me gêne, en soi, c'est pas que ça arrive. C'est plus que moi, du coup, j'étais plus sur une comédie, on va dire plus comédie dramatique, avec un humour, si je dois le dire, avec des mots un peu nuls, une comédie dramatique subtile, même si j'aime pas trop dire ça comme ça. Et là, ça fait un truc assez goofy. Tu vois, une comédie, tu vois, les comédies américaines un peu. Dans un style plus potache, toujours en utilisant des mots qui sont pas ouf. Je sais pas, bah, qu'est-ce qu'il faudrait? Non, non, non, non, non. Déjà, comédie dramatique française, ça veut pas dire grand-chose. Oh. Plus, oui, moi, c'est plus un mélange de. Où de comédie dramatique et où peut-être les ressorts comiques sont plus. Enfin, on est plus sur, comme tu dis, sur un truc réaliste. On est, du coup, la comédie est. C'est pour ça que j'ai employé le terme un peu nul de subtil, mais dans le sens où on est sur une comédie plus réaliste et sur des personnages psychologiquement. Plus proche de nous que des archétypes comme on pourrait avoir plus dans une comédie goofy. Ouais. C'est-à-dire le traitement dramatique de quel personnage tu dis? De Bernard ou de... Ouais. Oui, ce qui me pose pas de problème en soi, c'est juste que moi j'avais plus en tête une comédie dramatique. Enfin, je suis d'accord, mais personne. Enfin, je saurais pas. Ouais. Ouais. Mais vas-y, vas-y. Mais c'est pour ça, ouais. Oui, avec des traits plus fins. Mais en fait, moi je trouve que ce débat est un peu stérile, parce que en fait, ce qu'il faut juste, c'est savoir est-ce qu'on est plus sur un truc goofy ou comédie dramatique, quoi. Faut juste qu'on se mette sur la même ligne. Ah bah oui, mais je t'inquiète, j'ai bien saisi la question. Je sais pas, toi t'as ton idée? Bah franchement, vu que j'arrive pas à me décider, partons sur quelque chose de plus goofy. Ouais. Ouais, comme un réservoir. Mais du coup, Bernard, il est complètement con en fait. Parce que du coup. Enfin, il est complètement con. Pas vrai, on pourrait pas dire. Je pense qu'on pourrait dire ça autrement. Mais c'est-à-dire que il vole du désir pour remplir son désir qu'il dépense. Et du coup, au bout d'un moment, le mec à qui il vole du désir n'a plus de désir. Et du coup, au lieu. Enfin, du coup, il va chercher à créer le désir chez ce mec pour lui voler son désir au lieu de. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Ouais, je vois. Et donc, du coup, en fait, la fin. Ouais. Ouais, mais je trouve ça. Non, je trouve ça bien. Et en gros, ça se terminerait par il trouve le moyen de créer son propre désir, enfin de retrouver le désir en sa femme. En fait, c'est ça, peut-être ça le truc, c'est qu'il se concentre plus, il se concentre pas sur sa femme, mais il se concentre quand même sur l'amant de sa femme pour créer du désir, quoi. Et ça te plaît pas? D'accord. Ouais. Ben, c'est vrai que je trouve que ça fait un peu pastiche quand même de Inception, dans le sens, enfin j'ai encore cette idée en tête de il rassemble son équipe et j'imagine que c'est ses copains de boulot, où il dit les gars je vais avoir besoin de vous, et où vraiment du coup c'est vraiment que des gros ratés, qui sont même pas capables de laver leur propre chemise, tu vois, et qui vont devoir voler le désir, de un truc. Vraiment, c'est à l'antithèse de ce qu'ils sont, quoi. Mais à la différence de Inception, en gros, c'est un espèce d'aller-retour entre le monde des rêves et la réalité, quoi. Ouais, n'empêche, par exemple, il pourrait y avoir un moment où vraiment il commence à beaucoup ressembler à cet amant en fait. Il commence à se mettre trop dans ses baskets, quoi. Si on peut me permettre l'expression. Ouais. Ouais. Alors, je pense que ça peut être une bonne idée, mais faut. En fait, je trouve qu'on est sur un fil, tu vois, au niveau de la morale de ce que ça raconte. C'est-à-dire qu'on. Ouais, on est. Faut faire très attention parce que, du coup, il faut qu'on essaie de trouver le truc qui raconte pas que l'amour et le désir sont opposés, en fait. C'est ça le truc. Ouais, peut-être que c'est une comédie dramatique, enfin une comédie goofy sur le trouble. Voilà. Après, il nous, moi je pense que si, enfin, il nous manquerait quand même. Il nous manque des éléments parce que pour l'instant, ce que ça raconte, enfin, c'est que. Si on reste en surface, ça raconte que l'amour et le désir sont contraires. Seulement, si, je trouve que si on creuse, on peut avoir un truc intéressant de justement. On a tendance à mettre en contradiction amour et désir, ce qui n'a aucun sens en fait. Et qu'il faut, enfin, faut fusionner les deux, quoi. Enfin, après là c'est quand même une réflexion très très en surface, hein. Mais il y a un truc où je pense que vraiment. En soi, ça peut être bien de prendre ça, mais vraiment, si on creuse le truc et si on va plus loin que juste le. Et aussi, comment ça se traduit dans l'histoire? C'est-à-dire, en quoi son désir, en prenant son désir, parce que si, pour prendre son désir, genre, c'est, je sais pas, il plante une seringue et il lui retire un espèce de liquide, voilà, c'est ça, qui se plante ensuite. Bon, bah, ça veut dire que faudrait qu'il, dans l'autre sens, il se prenne son. Faudrait qu'il lui en donne. Ouais, mais là pour le coup, juste, ça enfin, moi je préfère en effet le truc du subconscient, mais par contre, avec ça, l'idée, enfin, d'un coup, l'idée de l'opposition entre amour et désir devient beaucoup plus. beaucoup moins sain. Enfin, genre, il y a vraiment une opposition d'un coup de. Bah, il s'inspire des désirs et ça veut dire. Et quoi, il lâche son amour. Là, j'imagine un truc, c'est que peut-être, ça se trouve, il va dans son subconscient et son subconscient, des fois, se traduit aussi par des trucs plus concrets. Et en fait, par exemple, il arrive à un moment devant une machine qui pourrait représenter un peu le cerveau ou quoi. Et là, il y a des espèces de fluides un peu de partout. Et. Ou des capsules, je sais pas. Et pour en prendre une, faut qu'il en remplisse une autre. Ou un truc du genre, tu vois. Sinon, il y a quelque chose qui se passe. Il peut pas y prendre. Et du coup, ça le force à donner quelque chose pour prendre autre chose. Ouais, on pourrait voir ça comme ça. Et il est bien obligé de le foutre quelque part. Et même, peut-être les placards doivent toujours être équilibrés. Donc du coup, il peut pas juste déséquilibrer un placard de quelqu'un et partir, quoi. Il est obligé de mettre quelque chose dans son placard. Et il peut pas chier dans son placard, quoi. Oui, c'est bizarre, très très bizarre ça, mais acceptable dans notre société bien évidemment, car nous sommes ouverts d'esprit. Et oui, tolérant. La preuve, on fait une comédie romantique sur le désir et les relations longues, donc on est hyper open. Ouais. Ouais. Est-ce que l'amant, il est tout seul? Il a pas de, il est en couple. Ouais, j'ai pas enfin je trouve ça plus simple aussi. Oh ouais, mais restons sur le simple alors. Le mec un peu cool. Ouais. Sandra. Ah, Stéphanie. Oh. Ok. Où le désir est parti. Et foufou. Ouais. Franchement, pour moi, vu que ce personnage apparaît très peu, je pense, enfin dans l'idée, moi je trouve que enfin son subconscient va beaucoup apparaître. Mais non, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser du coup à Vice Versa, où tu sais, il y a le garçon dont Riley est amoureuse quand il le rencontre, et c'est vraiment la caricature de où. Je sais plus ce qu'il dit, je crois qu'il dit je ferai tout pour Riley, un truc du genre. Il est vraiment une grosse caricature, et je me dis peut-être que ce personnage on rencontre pas trop, et on en a vraiment, du coup de loin on en a vraiment une représentation archétypale, et vu que les seules fois où on va le voir vraiment apparaître, ça va plutôt être dans ses rêves, bah je pense qu'on peut vraiment jouer justement sur le fait que ce soit un archétype, et on peut se permettre ça. Sachant qu'en plus on est quand même dans quelque chose de goofy, du coup c'est plutôt intéressant d'aller là-dedans, mais du coup enfin évidemment faire attention de pas en faire une caricature. Mais de toute façon, là, on est en brainstorming, donc pour ça, ça va être compliqué. Hein. Mais ouais, donc ça, ouais, c'est un mec qui a un peu la fougue. Et ouais, putain, qui est fortiche. Et donc, du coup, il y a Bernard qui réunit tous ses potes de boulot. Ouais, on va la reconquérir, ta femme, Bernard. On va la reconquérir, tu vas voir. Et donc, du coup, il s'introduit chez ce mec. Et enfin, la première chose à laquelle j'ai pensé là, c'est que Bernard travaille dans une entreprise où il s'occupe justement. Mais là, ça fait très spotless. J'arrive jamais à dire le nom, c'est chiant. The Eternal Sunshine of Spotless Mind. Où il travaille dans une entreprise où justement ils utilisent une technologie qui leur permet de s'introduire dans la tête des gens, dans le subconscient des gens. Pour quelle raison? Mais voilà. Je vois, mais quelle est l'étape finale pour que... Parce que si c'est des médocs, tu vois, comment Bernard... Ouais. Ouais, à moi, dans l'idée, il y avait que Bernard qui entrait dans le subconscient aussi, hein. Ouais, la team. C'est ça. Ouais. Sauf que c'est tous des bras cassés. Et ils se foutent. Ouais. Ouais. Ouais. Du coup, ils ont des sandwichs, mais ils s'en mettent de partout. Voilà. Et même, je dirais, il lui offre le donut. J'aime bien votre tête. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a une fois où tu vois, il se réveille pendant que Bernard est encore dans son subconscient. Ah, et ça peut-être être ça leur plan, le plan final de Bernard, ou le premier plan, remarque. Peut-être c'est le premier plan de Bernard, en fait, d'être dans son subconscient pendant que l'amant et sa femme sont en train de voilà, de faire crac-crac, crac-crac. Oui, en fait, c'est une fable sur le voyeurisme et comme quoi il faut assumer ses désirs, quoi. Ouais. Ouais. Ouais. Ben putain. Ouais, faut essayer avant de, pour savoir. Oui. C'est comme ça que tu me jettes? Voilà, vous la faites culpabiliser. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très sain. Mais pour en revenir à Bernard, du coup, dans l'idée de faire ça, ça voudrait dire que Bernard. Ah, peut-être qu'en fait, Bernard, à chaque fois, c'est ça son but. C'est au lieu en fait, de prendre le désir et de le mettre en lui, en fait, il se dit, il faut que je les voie faire crac-crac pour comprendre. C'est ça. Voilà, ou comprendre, ou se nourrir, hein, comme tu veux. Et le truc, c'est que à chaque fois, il y a quelque chose, enfin, il y a toujours plus ou moins quelque chose qui foire, ou il se fait auto-foirer, parce que justement, quand ça va arriver, il ne supporte pas, ou son esprit, ou son subconscient ne le supporte pas, et donc le fait quitter la connexion, le déconnecte de l'amant. Je pense, oui. Mais après, ça pourrait être autre chose. Bah après, dans l'idée justement, il le verrait pas directement. Il l'apprendrait, parce que forcément, sinon ça marche plus. T'as bien évidemment raison. Donc peut-être que là, dans ce cadre-là, il l'apprendrait plus parce qu'il entend, il verrait des messages de sa femme, tu vois, sur son portable en l'espionnant, ou quelqu'un lui dit j'ai vu ta femme. Bah dis donc, ça fait plaisir, hein. Voilà, mais après, si l'idée Oui, je vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as raison. C'est vrai que ça serait dommage. Non, non, non, non, justement, si je dis ça serait dommage, c'est parce que je le pense. Oui, enfin, après, moi, tu sais, qui que tu sois, je le dis, hein. Ce que je pense, moi, mais voilà, pas d'autres choses à dire, mais si j'avais d'autres choses à dire, je la dirais, ça je peux le dire. Ouais, moi aussi, je ne me suis pas beaucoup surpris, je dois avouer. Je suis resté dans ma zone de confort, hein, il faut le dire. Mais en tout cas, je pense qu'on peut garder ce truc de son premier objectif, c'est de rentrer dans le subconscient pour voir le moment où il y a crac-crac, et donc. Pour voir ce qui se passe dans les placards. Ça pourrait être marrant que vraiment Bernard, du coup, en fait, au début, récupère les mauvaises. Tu vois, si on imagine que par exemple, il faut qu'il récupère des objets, et bah, du coup, vu qu'il ne sait même plus ce qu'est le désir, parce que finalement, il désire plus sa femme, mais peut-être qu'aussi, il désire plus personne, finalement, il a oublié ce qu'est même le désir, ce qui serait plutôt logique, sinon, il passerait pas par ce mec pour avoir du désir. Et donc, du coup, il récupère des objets pour avoir le désir, sauf qu'il récupère des objets qui n'ont strictement aucun lien avec le désir, et voilà, et vraiment je ne sais pas où je vais plus. Ah oui, ah d'accord. Ah ça c'est super intéressant. Du coup, ça me fait penser que donc ça me fait penser à deux choses, à John Malkovich et Inception. Bon, on a déjà parlé de Inception, mais alors je crois que c'est le nom du film, mais je suis pas sûr. C'est aussi le nom d'un acteur, si je dis pas de bêtises. Ou en gros, c'est un film scénarisé par Charlie Kaufman, qui a donc écrit aussi The Eternal Sunshine of Spotless Mind. Mon Dieu, ce nom. Il est très beau, mais long. Ou en gros, je crois que c'est même dans la tête de John Malkovich, un truc du genre. Et où en gros, tous les acteurs sont joués par ce même acteur qui s'appelle John Malkovich. Et donc du coup, j'imagine que quand il est dans le subconscient, en fait, il y a plein d'amants qui... Donc on va lui... De John, voilà, parce que l'amant s'appelle John. Et en fait, il y a plein de John qui occupent tout un tas de fonctions. Donc comme tu dis, par exemple, il y a cette supérette du subconscient où en gros, tu peux acheter plein de trucs. Et bah du coup, tu vas avoir le John à qui tu peux acheter ça. Et envers lequel bah, Bernard va devoir quand même troquer quelque chose contre ses achats. Il peut pas juste se servir et s'en aller comme ça, quoi. En reprenant cette idée finalement de bah, tu prends un truc, bon bah il faut remettre un autre truc dans le placard. Ça, et pour Inception, c'était l'église niveau, enfin de nouveau. C'est pour ce truc de. Attends, je réfléchis. Bon, je vais laisser passer l'église comme ça. Ah oui, voilà. Et dans Inception, il y a ce truc de si le subconscient comprend que tu es un intrus, eh ben il va commencer à vouloir te chasser. Et peut-être on pourrait avoir ce truc de aussi, si Bernard commence à voler des trucs ou à faire de la merde, et ben en fait les John du subconscient vont commencer à vouloir lui vouloir du mal, quoi. Et peut-être qu'à un moment, Bernard va enfin trouver le truc qui lui permettra d'avoir le désir et de choper le désir infini au lieu de devoir à chaque fois acheter des trucs et devoir troquer. Et que en fait c'est un truc que les John du subconscient n'ont pas du tout envie qu'ils prennent. Qui s'appelle la libido en fait. Voilà. Oui, ouais, là on a beaucoup de trous. Ouais. Je suis d'accord. Surtout que tu te dis. Enfin, bon, là, je pense qu'on va stopper là parce qu'on a 1h13. Mais juste, je me dis. Ça aurait été intéressant de trouver, par exemple, qu'est-ce que troque. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que troque Bernard dans le subconscient des John? Enfin, quel genre de monnaie il peut y avoir, il peut exister Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais, pour pouvoir les acheter. Ah oui, enfin, vas-y. Ah bah justement, moi je me disais peut-être que en gros il veut prendre des traits, enfin alors, il prend des traits de caractère des traits de caractère de John, et du coup en échange il donne ses traits de caractère, Et en fait, pour revenir sur ton idée de bah, en ayant du désir, bah, en fait, petit à petit, il perd l'amour de sa, enfin, il perd l'amour. Et ben, peut-être que du coup, en donnant ses traits de caractère qui pense complètement nul, bon, après, on retombe sur une peut-être une morale un peu nulle, un peu cliché. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en donnant ses traits de caractère à John, bah, en fait, John devient, enfin, là où avant sa femme était seulement sur du désir sexuel, bah, en fait, tombe petit à petit amoureuse de John parce que en fait il obtient les traits de caractère de son mari qui est la personne qui au fond elle aime vraiment quoi. Ouais. Ouais. Oui. Yes. Et peut-être que du coup la mission finale ce serait de la mission finale de Bernard serait de reconquérir enfin de reconquérir de comment dire de reprendre tous les traits de caractère qu'il a vendus auparavant et de récupérer les siens au vendeur John. On pourrait avoir des codes de très mafieux ou ce John de la supérette qui est un gros mafieux. Ah merde, j'ai enlevé mon casque. Désolé, je t'entends plus. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, de ouf. Je crois pas qu'il s'appelait comme ça, mais. Mais c'est le père de Morty, tu veux dire. C'est tout mélangé. Oui. Oui. Ouais, de ouf. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans l'idée de, il y a plein de John, c'est que quand même, on est quand même, c'est plusieurs parts de la personnalité de John. Donc tu vois, il y a des John qui, mais du coup, c'est vraiment un trait de caractère de John. Donc notamment celui qui est le chef de la supérette, c'est le John particulièrement. Revanchard ou qui a soif de pouvoir, t'as le John complètement con, enfin ouais. Ouais. Ah bon? Après, je pense que juste en voyant l'intérieur de la maison de John et enfin, je pense qu'on n'a pas besoin qu'il soit là si souvent que ça. En tout cas, je trouve que quelques interactions, par exemple comme le dîner ou des trucs comme ça, peuvent sans qu'on ait un focus de 45 minutes juste sur John, quoi. Oui, donc c'est, mais qu'on ait une. Ouais. Oui, une partie. Mais je pense que ça va partir de l'équipe de qu'il forme avec que Bernard forme, où genre ils vont récolter plein d'informations parce que justement il va dans son subconscient, donc il faut bien récupérer quelques informations avant. Ouais. Oui, ça se trouve au début il doit se faire passer pour un John ou un truc du genre. Mais j'avais une... Ah oui, j'avais une idée qui me faisait rire. C'est oh. C'est qu'en gros, enfin c'est une idée un peu débile, hein. Mais à la fin, du coup, pour combattre les milliers de John qu'il y a dans le subconscient, en fait, il faut qu'ils arrivent à transmettre tous les Bernards. Du subconscient de Bernard dans le subconscient de John pour qu'il y ait une bataille. C'est ça. Voilà, donc c'est très débile, mais je trouve ça. Ouais, là, j'ai même envie de dire qu'il y a vraiment un côté, comme tu disais, Rick and Morty, quoi. Et encore ton chat? Vous avais dit, il a un problème avec les chats, hein. Vous voyez, il veut manger son chat. Il est complètement fou. C'est un dingue. Un dingo. Un gueudin, je vous dis. Voilà, là, son chat, il est mort. Il l'a asphyxié. Agressif, tes chats, hein. C'est toxique, quoi. Relation toxique. Je vois. Ouais. Je suis bien d'accord. Moi non plus. Je pensais qu'on allait partir sur quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus un truc plus thriller. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. C'est vrai que. Et c'est vrai qu'il y a, t'as, je trouve qu'il y a un truc vraiment très cool que t'as dit. C'est que t'as dit bon bah si on est dans un long métrage, on pourra raconter toutes ces choses. Et en fait, c'est vrai que on n'est pas obligé de partir. Enfin, on peut partir sur un long métrage, mais en fait, on n'est pas obligé non plus. On peut aussi partir sur un court métrage, on peut aussi partir sur une série, on peut partir sur une BD. Enfin, en fait, je trouve que on peut partir sur autant de choses qu'on veut et on n'est pas obligé de se limiter à un seul format. Et ça, c'est cool de se dire ça parce que moi, dans les autres épisodes et même jusqu'à là, j'étais un peu dans ce mood de bon, bah en fait, quand on brainstorm, c'est on brainstorm pour un long métrage, quoi, et pas autre chose. Ouais. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que du coup, je sais pas, il y a cette espèce d'inconscient de c'est le truc que personnellement j'écris, enfin, auquel je rêve le plus, c'est ça. Du coup, bah, paf, je fais tout en sorte que ça rentre là-dedans. Et donc peut-être que du coup, dans les prochains, ça rentrera moins dans cette case, du coup. Parce que peut-être que vu que jusqu'à maintenant, ça correspondait tout à ça, c'est aussi parce que moi, je mettais un peu le truc dans ces rails-là, quoi. Yep. Yep, le drive, ça va être le bordel. Est-ce qu'on garde ce truc de il sait même plus qu'elle le désire? Ou juste parce que en fait c'est si tu vois si ouais c'est ça peut paraître incohérent parce qu'en soi oh, ouais d'accord ouais t'as raison oui c'est un détail en trop. En vrai, je pense que juste voler son désir, ça suffit pareil. Comment on dit? C'est coéquipier de travail? Je sais plus c'est quoi le mot. Voilà, collègue, c'est le mot que je cherchais. Merci. Travail. Je sais pas, tu as envie? Bah, c'est ce que j'avoue, c'est ce que je me disais aussi, mais en même temps, je me dis si jamais l'un de nous a vraiment pas du tout envie ou que l'autre a vraiment envie de faire ce pitch. Ok. Bah non, non, non, ça va. Enfin, non, mais ouais. Enfin, je serais chaud pour le faire, mais je pense que t'es plus chaud que moi. Donc voilà. Je suis pas assez chaud pour passer devant toi, quoi, si tu veux. Donc je suis chaud, mais ah, tu vois, c'est un peu un tiède. Hein? Enfin, c'est un. Ça ressemble. Enfin, ça fait un peu insultant. Ouais, ok, d'accord, c'était insultant. Ah, ok. Parce que ça faisait très. Enfin, vu que j'étais en train de dire, oh, tiédas, ça ressemble vachement à putasse. Enfin, tu vois. Et d'un coup, tu fais pute! Bon, là, ça me. Je dis, ah, aïe, ouf. C'est. Merci, c'est très gentil. Alors, pour ce faire, il va utiliser. Ouais, vas-y. Technologie, vous voyez, ces chats, ils pensent qu'il peut pas s'empêcher toutes les demi-heures d'aller les baiser. C'est complètement dingue. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Pour ce faire, il va utiliser une technologie. Ouais, vas-y. Sandrine, Sandra, Sandra. Ouais, c'était Sandra. N'hésitera pas à reformuler à ce que j'écris. Hein. D'accord. Cette bataille de fin, ça me fait trop marrer. vraiment dit ce qui se passait une fois que. T'es toujours là? Ok. Bah, comme tu disais, ça risque de d'être trop compliqué, de complexifier le tout, donc ça serait peut-être pas. Je pense pas que dans un pitch ça ait sa place, quoi. Après, ça peut être dit à la toute fin du pitch. Genre. Que va-t-il arriver à Bernard entre ça et ça et ça et ça? Comme on faisait sur. Comme on avait fait sur le portailleur. Ouais, voilà. Ah ouais? Va te faire enculer. Ouais. Ok, je vais faire mon possible. Je me tiens prêt. Allez, je suis prêt à être Bernard, John, Sandra, qui tu as, mon église. Putain. Ça prouve que cette église est beaucoup trop près de chez moi. Yep, tu vas gérer. Ouais, peut-être que tu devrais recommencer. Ouais, je pense qu'il faut chercher. Je pense ce que j'avais remarqué en tout cas pour moi, c'est que je le rac... en fait je le racontais comme trop en mode bande-annonce et pas assez comme un parler comme je te raconterai à toi. En fait, tu vois, c'est l'histoire de Bernard et il a sa femme Sandra qui l'aime le plus que tout au monde. Mais et, tu vois, je pense que après, je suis désolé, je te coupe, je suis un gros bâtard. Mais je me dis. Ah merde en plus. Ah désolé. Non mais je me disais en fait on peut raconter à deux. Parce qu'en fait on a le. On a le déroulé juste sous les yeux. Donc on peut se dire qu'on peut en faire un sur deux. Ouais, ok. Donc tu commences ou je commence? Ok. Ce mec malin. Ok. Ouais, et encore pire que ça. Un jour, il débarque chez lui et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme avec un autre homme. C'est complètement dingue. Alors, bon, il reste bloqué, il ne va pas dire à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais? T'es avec un autre homme? T'es complètement malade. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va utiliser une technologie expérimentale qu'il développe à son travail, afin de s'introduire dans son subconscient. Oh oui. Attends, c'est quoi la femme que la femme. Yes. La phrase que tu essayais de traduire là. Ok. ouais, et en effet, de quoi? Ah oui, vas-y. oui, en effet, il ne va pas être au bout de ses surprises parce que quand et il ne va pas être au bout de ses surprises car quand Bernard va arriver dans le subconscient de John, il va découvrir une micro-société. Oui, une micro-société, ouais, et composée uniquement de John. Plein de John, il y a des John de partout. Voilà, c'est ça. Et ils ont tous des traits de caractère. Qui appartiennent à John. Donc t'as John le con, John l'intelligent, bon c'est pas des traits de caractère hyper originaux, mais bon c'est comme ça, ils sont là. Ouais. Et avec le temps, Bernard va commencer à acheter des traits de caractère au subconscient de John. Parce qu'il est possible d'acheter des traits de caractère. Seulement, pour acheter, il faut payer. Alors du coup, sa monnaie d'échange sera ses traits de caractère à lui. Et là où ça devient vraiment un problème, c'est que Sandra... elle désire John, elle fait l'amour, enfin elle fait crac-crac avec John, mais la personne qu'elle aime, c'est Bernard. Alors, quand Bernard commence à devenir John et John à devenir Bernard, eh ben forcément, Sandra commence à tomber amoureuse de John. T'inquiète. Et donc, il ne reste plus qu'une solution à Bernard. Il doit faire en sorte. Alors, est-ce que je suis sur le bon? Ouais, c'est bon. Il ne reste donc. Bernard se retrouve impuissant face à ce John horrible, vendeur de traits de caractère. Il n'a donc plus qu'une seule solution pour s'en. Ah, voilà. Il n'a donc plus qu'une seule solution pour s'en sortir. Ramener tous les Bernards de son subconscient dans le subconscient de John afin de créer une guerre sanglante où il pourra récupérer tous ses traits de caractère. John, Bernard, John. John Bernard. John Bernard ou l'escroquerie du désir. Ok. Bah, c'était. Ah bah ouais, de ouf. Et tu sais quoi, comment j'ai eu l'idée? Enfin, même si l'idée est pas non plus folle. Mais du coup, c'est en ayant vu The Boys. Je crois que c'est dans le quatrième épisode ou le troisième. Où tu sais, t'as les deux commerciaux de l'entreprise des super-héros. Notamment qui propose à un moment le nouveau costume à Stella. Et à un moment, ils parlent à la patronne et ils pitchent ensemble de comment ils vont excuser la mort d'un des super-héros. Et ils rebondissent comme ça. Tu vois, et je trouvais ça. Je me disais, mais en fait, si on pitchait comme ça serait. Je veux dire, même dans la. Enfin, pas dans le podcast, mais dans la vie de tous les jours, si on se retrouve face à un producteur, si on pitchait comme ça, comme on avait fait finalement dans. Ouais, pour le portailleur, bah, ça serait 10 fois plus ouf, quoi. En tout cas, on s'en est beaucoup mieux sorti. Ouais, de ouf. Il y a juste encore. Encore le. Comment on place des petites interactions, ça c'est un peu, ça reste encore compliqué quoi, mais ouais, à mon avis ça va être difficile, mais encore. Gratte à la porte. Bah après moi je l'entends pas donc. Il aime beaucoup trop ses chats. Ok, donc bah tu peux dire la phrase de transition. Ouais? Ok. Mais parce que dans le dernier, tu faisais une phrase de transition. Mais c'est possible que tu l'as improvisé. C'était un truc du genre. Et voilà, ça ressemble à ça. Alors, mon cher Guillaume, dis donc. Eh bien, écoute, Tristan, c'était ma foi fort bien. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là, comme ça, à chaud Ouais, ça c'est vrai. Après, c'est vrai. C'est vrai. Et personnellement, je pense que dans l'équipe, voilà. C'est ça. Ouais, une assistante, évidemment. ouais, c'est... Je réfléchis à ce que je peux dire, hein. Ouais. Et Eternal Spotless Mind. Putain, ce titre qui est très bien comme titre, mais beaucoup trop long. Ouais. Ouais, je pense que ce qui est quand même bien, c'est que on a réussi à éviter une facilité. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression là. C'est que c'est comme tu dis, ce truc de. Enfin, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on n'est pas allé dans le ah, il veut absolument se venger de John. Il a une haine envers ce mec. Non, c'est juste, il veut obtenir le désir, veut obtenir le désir qu'il a perdu. Et ça, je trouve ça cool. Ouais. Ouais, ou même plein d'idées qui viennent faire la différence finalement. Ouais. Ouais. Non mais c'est vrai qu'on a mis pas mal de temps avant de prendre le chemin, quoi. De faire un choix. Il fallait faire un choix. Bisous, bisous. Non, là, je fais du générique. Ouais. Ouais, c'est pas super. Devrait juste prendre une musique random et la mettre à la fin. Hein. Ce serait plus. Non, mais enfin, je dis pas que t'es mauvais, mais. Je l'insinue seulement, quoi. Ok, je coupe aussi.